Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Je suis en compagnie de Guillaume Foran à la console aujourd'hui. Salut Guillaume. Salut Vincent. Une émission qui sera extrêmement chargée, comme à l'habitude. De mon côté, j'aurai la chance de vous parler d'un des derniers jeux de sport qui est sorti pour les consoles de jeux, donc le fameux NHL de EA Sports. On fera un petit retour sur ce jeu-là. Et également, Guillaume aura deux sujets précis aujourd'hui. Oui, deux sujets très précis. On va y aller avec, bien sûr, comme j'ai mentionné la semaine passée avec Scott Pilgrim. Donc, quelques détails sur ce passage. J'ai bien hâte de voir Scott Pilgrim, justement, entendre parler de ça, parce que justement, je voulais mettre la main sur un des volumes de Scott Pilgrim cette semaine. Le temps m'a manqué, mais c'est certain que je vais y aller. Et ensuite? Et ensuite, on va parler de Guitar Hero 6 qui sort le 28, donc pas cette semaine, l'autre semaine d'après. Bientôt, excellent. On vous rappelle que Puissance Maximale, ce n'est pas seulement une émission de radio diffusée sur CKIA en direct à Québec les lundis à 17h, mais également un site Internet sur lequel vous trouvez de l'information que l'on met, que ce soit des nouvelles, que ce soit des commentaires personnels sur différents jeux, sur différents sujets reliés au monde ludique ou au monde geek. Bien sûr, parce que Puissance Maximale, c'est l'émission par excellence. Si vous êtes geek et que vous sortez quelquefois de votre sous-sol pour justement ouvrir la radio et nous écouter, eh bien, un site Internet que vous retrouvez sur le www.puissancemaximale.com, et il y a une petite section contact, ça vous intéresse, vous me donnez des commentaires, vous voulez qu'on parle d'un sujet précis, eh bien, on vous attend, on vous lit à chaque semaine, ça nous fait plaisir de voir que vous nous écoutez. Et on salue également les gens qui nous écoutent par Abandonware France, soit bien sûr en France et dans le monde de la francophonie en Europe. Et on salue également les gens qui téléchargent notre émission sur le site Internet. Comme à l'habitude, de Guillaume, on va commencer en musique. Oui, aujourd'hui, on va faire un petit spécial Guitar Hero 6. Donc, on va faire jouer quelques chansons tirées de l'album, des chansons plus récentes, des chansons plus vieilles. Et on va y aller avec une chanson de Muse. Donc, Muse qu'on était habitué avec Knights of Sidonia sur Guitar Hero auparavant. Et maintenant, sur le nouveau Guitar Hero 6, on va voir Muse Uprising. Muse qui s'en vient à Québec dans pas grand temps. Donc, écoutez et appréciez. Minasan, konnichiwa. Nihon dewa Naruto dake janakute, minasan, minna de igo wo shite iru. Soshite na, Quebec ni mo igo wo shite kudasai. Ima kara puissance maximale kite kudasai. C'est le retour puissance maximale sur les ondes de CKIA. Eh bien, l'automne est à nos portes, ce qui veut dire que la saison du hockey arrive, approche à grands pas. Et bien sûr, le mois de septembre, c'est le mois de NHL, de EA Sport, le jeu de hockey qui est, en fin de compte, sur les différentes consoles depuis des années, vraiment, depuis tout près de 20 ans. Et c'est vraiment le jeu à acheter si vous voulez vraiment avoir un bon jeu de hockey. Si vous êtes des joueurs de hockey, parce que bien sûr, en étant joueur, en étant gamer, on a des gamers qui sont plutôt de style RPG, de style jeu d'aventure. Si vous êtes un amant finalement du sport, que ce soit les jeux de football, les jeux de soccer, vous connaissez la fameuse série de EA, qui est soit le Madden, soit le FIFA, ou également le NHL, et là c'est le NHL 11 dont on parle, celui de cette année. Si vous connaissez EA, leur façon de faire, depuis un certain temps, souvent, EA va s'arranger pour faire un petit peu d'argent quand vous achetez de leur jeu. Il y avait même certains jeux à l'époque où on demandait justement de payer sur un serveur pour pouvoir accéder au serveur Internet, qui était plus des jeux de rôle ou des jeux justement RPG ou des jeux d'aventure. Mais ce qui arrive avec EA cette fois-ci, cette année, lorsqu'on ouvre la petite boîte de jeu en arrière du manuel, on a une petite clé qui est une clé qu'on doit entrer si on veut jouer sur Internet au jeu de hockey avec des amis, avec des gens en ligne pour faire des saisons. Peut-être une chose que l'on connaît plus dans les jeux d'ordinateur, d'avoir des clés de telle sorte qui fait que le jeu, on ne peut pas le réutiliser par après, à moins d'acheter une autre clé. C'est ce que EA nous dit. Si vous êtes les premiers à avoir acheté NHL cette année, vous l'avez entre les mains, vous mettez votre disque soit dans votre PS3, soit dans votre Xbox 360, eh bien, on vous demande justement d'accéder sur le serveur EA en entrant la clé qui est indiquée à l'arrière de votre livret. Et une fois que celle-ci a été utilisée par vos mains, tout simplement, eh bien, elle n'est plus réutilisable, ce qui veut dire que ça rend le jeu un peu plus difficile à revendre. Bien sûr, il est possible d'acheter une clé. Là, c'est là que EA fait sa petite passe d'argent. Il est possible, je pense, pour une dizaine de dollars, si on achète un jeu de seconde main, d'acheter une clé par Internet ou soit sur le serveur des différentes consoles que vous utilisez. Donc, petite passe argent au niveau d'EA à ce niveau-là. Bien sûr, ça leur permet de contrôler la vente ou la revente de leur jeu. Chose qui est revente de jeu, c'est quand même assez populaire. Beaucoup de gens vont échanger leur jeu après quelques mois d'utilisation pour justement le montant que ça donne, qui est quand même intéressant parfois sur de l'usager ou sur des jeux nouveaux. Revenons au jeu NHL. Bien, pas grand-chose de nouveau. Vraiment, si vous aimez la série NHL, vous allez retrouver ce que vous aviez dans les dernières saisons d'NHL. Donc, les fameux modes de jouer tout simplement la partie comme vous le voulez immédiatement. Le mode « Soyez un pro », donc « Be a pro », auquel on a rajouté les équipes justement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue canadienne. Mais bien sûr, on connaît beaucoup les clubs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, comme les Remparts ici à Québec. On peut se faire une petite rivalité entre les Saguenayens et les Remparts. Super intéressant. Donc, le mode « Be a pro », donc « Devenez un pro ». Devenez un directeur gérant également, « Be a GM mode » est là également, comme à l'habitude. Et on a les fameux modes de saison, se créer une propre saison par nous-mêmes, faire des tournois, faire seulement les séries pour aller gagner la Coupe Stanley, donc la course vers la Coupe Stanley, ou tout simplement faire également des fusillades, si vous aimez vraiment seulement être 1-1 contre le goaler, le gardien de but, c'est possible de le faire dans les différents modes de jeu. Ce qui est intéressant au niveau du jeu de cette année, ce sont les petits ajouts. C'est qu'EA, dans leur jeu de hockey, ne s'en tiennent pas tout simplement à chaque année à dire « Bon, on a un moteur qui fonctionne bien. On a c'est facile, en fin de compte, de prendre le même moteur. » Ils sont toujours là pour peaufiner, améliorer les choses. Et ce que j'ai remarqué cette année, bien sûr, c'est évident parce qu'on en parle également au départ, mais quelques petits ajouts. Ce dont on parle au départ, tout de suite, on nous dit, regardez, on a un nouveau mode de mise en jeu. C'est possible de faire une mise au jeu avec votre joueur et d'utiliser maintenant son corps et également d'utiliser la palette du bâton, que ce soit soit faire une mise en jeu du revers ou du côté droit. Donc, c'est quand même intéressant. Et ça, ça joue avec les sticks analogiques de votre manette, de votre contrôleur. Et ça permet justement d'avoir une meilleure emprise sur la, la rondelle à la mise en jeu. Et également d'utiliser notre corps comme joueur. Donc, c'est possible de jouer un petit peu de l'épaule pour déplacer le joueur adverse si on est bien sûr plus rapide que lui au niveau de la mise en jeu. Ensuite, il y a les bâtons, les fameux bâtons que parfois on casse parce qu'il y a un joueur qui donne un coup de bâton sur le nôtre, le bâton, les fameux One Piece, les bâtons d'une pièce qui coûtent si cher. Ben, c'est possible de le casser dans le jeu et bien sûr, on ne peut plus le réutiliser. Donc, soit qu'on retourne vers le banc et il y a un joueur qui nous prend son bâton ou un bâton, ou bien on reste sur le jeu sans bâton, à essayer de se coucher pour bloquer les tirs. C'est à notre choix, mais vraiment, c'est très réaliste à ce niveau-là. Et si jamais on perd notre bâton sans le casser, le bâton va suivre son cours sur la glace et il est possible de passer à côté de le ramasser. Donc, c'est des choses qu'on a vues. Également, l'année passée, ça ne m'était pas encore arrivé dans le jeu. Je ne sais pas si c'est nouveau de cette année. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est la reprise vidéo. Ça m'est arrivé cette année d'avoir déjà une reprise vidéo dans un jeu en ligne, dans une partie en ligne que j'ai faite. Et on disait que j'avais... Donc, compter un but avec le gant et on est allé à la reprise vidéo. Ce qui s'est avéré faux, mon but était bon et ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a donné également un trophée pour être allé en reprise vidéo. Enfin, c'est même pas moi qui ai fait le choix d'aller en reprise vidéo, c'est l'ordinateur, c'est le PlayStation lui-même. Donc, on peut gagner à contester qu'est-ce que l'ordinateur nous dit, qu'est-ce que la machine. Eh oui, il y a des trophées justement, les fameux trophées PlayStation ou les achievements sur la Xbox qui se débloquent en ayant des choses comme ça. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui arrive si jamais, dans le fond, on conteste la décision et on a tort? Bien, moi, en fin de compte, je n'ai pas contesté. C'est arrivé tout seul, tout simplement. C'est comme si mon coach avait décidé ça. Peut-être que si on contrôle les lignes, tout ça, il y a peut-être possibilité de contester, mais c'est venu automatiquement. Et bien, c'est ça, on est allé en haut et ça a ouvert la possibilité d'avoir un trophée pour ça. Et également, il est possible de célébrer après les buts. On tire et on paye sur X, O, triangle ou carré, dépendant du soit c'est une PlayStation ou une Xbox. Et possible de célébrer un but. Et ça débloque également des trophées, vous l'essayerez. Ce qui est intéressant également cette année, bien ça, c'était le mode en ligne. Quand on joue, là, vraiment, c'est les joueurs sont de plus en plus réalistes, réels, soit par la forme des visages qu'on voit, mais également par le type de joueur qu'on utilise. Est-ce qu'on reconnaît des joueurs comme, exemple, Sidney Crosby? Est-ce qu'on voit vraiment, quand on a un rapproché de la face, est-ce qu'on peut reconnaître? Oui, vraiment. Il y a des joueurs qu'on reconnaît un peu moins, mais les joueurs les plus polyvalents, les joueurs qu'on connaît le plus, sont très facilement reconnaissables dans les reprises ou bien dans les prises de vue, justement, rapprochées. Mais également sur le jeu, quand on joue, disons qu'on joue, j'ai joué quelques fois en ligne, vraiment, avec des amis, avec des gens que je connais pas. Par exemple, un de mes amis qui aime bien les Bruins de Boston, lui a décidé que, Zdeno Chara, qui est le gros défenseur de 6 pieds et plusieurs pouces, qui joue pas mal de l'épaule, il a décidé qu'il l'utilisait quand même assez souvent pour les entrées de zone adverse, donc déplacer les joueurs adverses. Et ça fonctionne. C'est un joueur qui joue physique, donc on voit vraiment le type Zdeno Chara à ce moment-là. Si vous êtes un fan du Canadien, moi j'ai joué contre beaucoup de gens en ligne qui étaient des fans du Canadien, donc qui prennent le Canadien de Montréal comme équipe. Eh bien, le fameux Mike Camilleri, qui comptait l'année passée toujours du point de mise en jeu droit, il était toujours placé là, puis il décochait un lancer sur une passe. Eh bien, je me suis fait compter je ne sais pas combien de buts de cette façon-là, et on dirait que c'est vraiment la reprise de Camilleri. Les petits tirs de Plekanec, même chose. Je ne m'attendais pas à un joueur aussi polyvalent, mais quand même une très bonne saison l'année passée. Puis on a amélioré ses différentes habiletés et on aurait vraiment dit que c'était le Plekanec qu'on voyait l'année passée sur le jeu. Donc, au niveau des joueurs, c'est sûr que si vous prenez Sidney Crosby, si vous prenez un Ovechkin, ça va être plus avantageux pour vous et vous retrouverez facilement la facilité d'utilisation de ces joueurs-là. Quelque chose qui est intéressant également sur le jeu, bien, on est allé avec quelque chose qui était déjà disponible dans Madden, le fameux jeu de cartes dans lequel c'est pour le NHL, on appelle ça le Hockey Ultimate Team. Donc, ce qui est possible de faire, c'est comme un jeu de cartes à la Magic ou des choses comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est se monter une équipe avec des cartes que l'on a dans le jeu et que l'on peut également acheter avec des rondelles. Donc, je donne un exemple. J'ai un certain nombre de cartes. Je monte mon équipe. J'ai trois avants, deux défenseurs. Je peux me faire une ligne avec ça. Mais dépendant du joueur que j'ai, je peux le placer sur la première, deuxième, troisième ligne avec différents joueurs que j'ai dans mes cartes également. Et je me monte des lignes dans mon équipe comme ça. Et c'est possible, par exemple, que j'ai des mauvaises combinaisons. Donc, on voit que mon ailier droit, c'est un peu moins, ça fonctionne moins avec mon centre de la première ligne, ça pourrait fonctionner mieux avec mon centre de la deuxième ligne. Et c'est vraiment en plaçant des cartes comme ça qu'on se montre une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs, donc qui peut gagner des matchs et avancer. Et à force de faire des bons coups comme ça, on gagne des rondelles qui nous permettent d'acheter différents paquets de cartes également et de développer d'autres bons joueurs ou de développer un coach, par exemple, qui pourrait nous aider, développer des habiletés aux joueurs. On les entraîne et, bien sûr, on a des cartes de contrat. Il faut signer ces joueurs-là également pour un certain nombre X de parties et c'est possible d'en racheter d'autres et de les rajouter sur les joueurs, de leur donner des attributs. Donc, c'est un jeu vraiment intéressant, même que ça peut en venir à devenir... seulement ça qu'on joue, là, placer des cartes, vouloir vraiment s'avancer, avoir les meilleures lignes, ça peut en venir à quelque chose quasiment d'obsessif, une obsession de jouer seulement à ça et de plus jouer au jeu en particulier. Mais c'est quand même un ajout qui est intéressant, qui était déjà disponible avec Madden depuis un certain nombre d'années. Et ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que, ben, intéressant et non, c'est que si vous êtes genre joueur à investir puis à vouloir dépenser, bien sûr, là où EA va venir chercher encore un peu d'argent dans vos poches, c'est que le nombre de rondelles qu'on gagne en faisant des bons mouvements, des bonnes choses, ça se gagne pas rapidement, ces rondelles-là. Et il est possible, justement, que vous ayez à débourser pour acheter un paquet de cartes parce que là, vous êtes rendu trop obsessif sur ce parti-là du jeu, qui est le jeu de cartes. Et là, vous avez à dépenser avec votre carte de crédit. Donc, c'est possible d'acheter des paquets de cartes et de monter une équipe pour se rendre aux grands honneurs avec le mode qui est le Hockey Ultimate Team. Donc, tout plein de nouveautés intéressantes pour rajouter un joueur à quelqu'un Oui, c'est quand même intéressant. Vous allez retrouver, on se souvient que EA, à un moment donné, a lancé la fameuse façon de faire connaître des groupes de musique. Il y a beaucoup de groupes de musique qui ont été connus par le jeu de sport EA. Donc, on mettait des chansons, on mettait le titre de la chanson. Bien là, on a quelques bons vieux succès qui reviennent, genre The Final Countdown. Et également le fameux Olé, Olé, Olé qu'on entend toujours au Centre Bell qui joue. Moi, je suis vraiment pas capable de cette chanson-là, mais qu'est-ce que tu veux, ça fonctionne à Montréal. Et ça doit être justement le fait que les fans de Montréal la chantent tout le temps, que les gens de EA ont fait « Hey, ça, c'est une chanson qui pogne vraiment pour le hockey, on va la mettre ». Mais dans le jeu, elle n'est pas seulement jouée et chantée à Montréal, elle est chantée et jouée dans toutes les arénas. Donc, c'est quelque chose. Mais un jeu de hockey qui ne réinvente rien, c'est toujours le fun, comme je disais tout à l'heure, EA qui amène des petits ajouts à chaque année. Mais si vous avez, bien sûr, le jeu de 2010 ou le jeu de 2009 ou 2008, vous allez voir que c'est pas mal. En fin de compte, au moment où EA a amené la façon de jouer avec les sticks analogiques pour lancer, les lancers frappés, les lancers du poignet, le jeu n'a pas beaucoup évolué, à part, justement, quelques belles améliorations au niveau de la jouabilité, comme les bâtons qui sont cassés, des choses comme ça. Mais c'est sûr que si vous voulez avoir un line-up, permettez-moi l'anglicisme, à jour et jouer avec justement du contenu téléchargeable de l'année 2010-2011, vous devez vous procurer ce jeu-là. Possible de jouer, de faire des ligues également en ligne. J'ai pas vraiment eu de problème de connexion. Quelques fois, oui, quelques lags, mais c'est pas extrême. Ça a toujours été comme ça avec EA. Ça a pas toujours... Des fois, la continuité est pas là. Ça lag quelques fois, mais quelques problèmes de fin de partie également. Il y a quelques parties que j'ai pas pu terminer. Mais c'est peut-être juste un problème qui est dans mon coin à moi. Donc, on mettra pas de note négative là-dessus. Moi, pour moi, EA, c'est un très bon jeu. Moi, je donne un 8 sur 10. Ça ne réinvente rien, mais quelques belles améliorations. Merci beaucoup, Vincent. Et donc, un jeu à surveiller, et surtout aux amateurs de hockey, jouer. Et on ne sait jamais, vous allez peut-être pouvoir gagner ou perdre contre Vincent en ligne. Peut-être, si vous trouvez Dart Bicente, je ne vous dis pas comment ça s'écrit. Vous avez juste à le trouver vous-même sur le PlayStation. On pourra peut-être jouer ensemble. Vous avez juste à m'ajouter comme ami. Donc, on va y aller en chanson avec une autre chanson qui se retrouve sur le nouveau Guitar Hero. Une autre chanson qu'un certain vécu que je suis sûr et certain que Vincent, après quelques notes, va pouvoir reconnaître. Et on va y aller avec R.E.M. avec Losing My Religion sur les ondes de Sequoia. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. De retour sur CKIA et c'était R.E.M., Losing My Religion, qu'on mettait en fin de compte à Puissance Maximale en l'honneur de ce fameux jeu de Guitar Hero qui va sortir bientôt. Et on retrouve cette chanson-là et plusieurs autres sur le jeu. Guillaume va nous en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, chers auditeurs, auditrices, si je vous dis bande dessinée canadienne qui a été ensuite converti en film et récemment en jeu vidéo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Des téléphones? Non, pas de téléphone. Guillaume, est-ce que tu as une réponse à ça? Oui, j'ai une réponse. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Alors, moi qui ne connais rien de Scott Pilgrim, j'en ai entendu parler seulement par le jeu vidéo. J'attends des nouvelles de Scott. Beaucoup de gens connaissent Scott Pilgrim dû au film qui est sorti récemment. On parle d'il y a un mois ou deux, je ne suis pas sûr exactement des dates, donc de cette année. Mais ce film-là est inspiré d'une bande dessinée canadienne, donc 6 volumes pour créer une histoire qu'on retrouve dans le film de façon abrégée quand même un peu. Et le film, lui, a inspiré un jeu vidéo qu'on peut jouer sur la PS3 et je crois sur Xbox, mais je suis pas sûr, qu'on peut télécharger pour une dizaine de dollars pour pouvoir jouer au jeu. D'accord. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en plus d'avoir un jeu inspiré d'un film, le film inspiré d'une bande dessinée, la bande dessinée s'inspire de jeux vidéo en plus. Donc, on a une boucle complète. On a de l'intertextualité. On parle de jeux vidéo dans la bande dessinée en jeu vidéo. En tout cas, c'est ça. Oui. Ça commence à être compliqué un peu. C'est compliqué, mais on comprend ce que tu veux dire. Donc, Scott Pilgrim, moi, je vais vous parler un petit peu plus de la bande dessinée. Oui, c'est un gamer. À la base, c'est un gamer. Scott Pilgrim, c'est un gamer. C'est quelqu'un qui aime ça jouer à des jeux à temps perdu parce que dans la bande dessinée, il n'a pas de travail au début. Et donc, pour passer son temps, jouer à des jeux vidéo, entre autres, et à tout plein de relations... pas des relations avec d'autres gens autour de lui, mais il y a toujours des choses qui tournent alentour des jeux un petit peu. Entre autres, dans la bande dessinée, on a beaucoup de références aux jeux. Quand, par exemple, il se bat contre un des méchants... ex de la fille, quand il réussit à la battre, il gagne de l'argent, il ramasse des scènes par terre. Oh, OK. Il gagne des niveaux. Également. Il gagne une vie. Et là, tu me dis qu'il se bat contre les ex de sa blonde, c'est ça? En fin de compte, le gros, la ligne directrice de l'histoire, c'est quoi? C'est quoi? C'est un gars qui rencontre une fille. La fille est intéressée par le gars, mais elle a déjà eu 7 on va dire chum, donc cette copain, et donc, que ça c'est quand même une bonne série, finit avec eux d'une façon ou d'une autre, ouais. Et qu'on dit qu'ils sont tous maléfiques, il doit les combattre pour pouvoir la garder. Oh, c'est parce qu'ils reviennent, ils reviennent la hanter. Bien sûr, ils reviennent en tant que joueur, en tant que héros d'une bande dessinée et d'un jeu, d'une certaine façon. Il faut que les méchants viennent t'affronter et que tu dois les affronter pour pouvoir sauver la princesse, si on pourrait dire. Et là, tu me dis qu'il y a à peu près 6 ou 7 numéros. Est-ce que c'est un chum qui revient à chaque livre ou ça peut se passer n'importe comment dans c'est 6 numéros. Il y a au moins un méchant par numéro. Si je me trompe pas, je me rappelle bien, il y a un numéro qui en a 2 dedans. Okay. Donc, c'est pas une grosse série qu'on peut dire qu'il y a 10-12 volumes. C'est 6 volumes quand même assez épais. On parle de peut-être quelque chose d'un bon demi-pouce d'épais de livre. Le livre. Donc, c'est pas une bande dessinée standard qu'on pourrait voir DC ou Marvel, qu'on voit 20, 30, 40 pages. Non, c'est ça. Là. C'est vraiment un format un petit peu plus petit, mais un petit peu plus épais également. Plus épais. Bande dessinée noir et blanc? Noir et blanc. Quelques moments avec de la couleur, un petit peu comme les mangas qu'on pourrait retrouver japonais. Par contre, dans ce cas-ci, il faut lire du début, donc du devant jusqu'à l'arrière et de gauche à droite. Ne pas se confondre avec les mangas. Moi-même, la première fois que j'ai ramassé le premier, j'ai commencé par la fin. Parce que tu étais trop abusé, parce que les dessins ressemblent justement un peu à ce qu'on retrouve chez lui. Ça ressemble un petit peu comme style. Il s'inspire beaucoup, en fond, de style d'animation de manga japonais. Par contre, le livre lui-même, il fait par exprès pour un peu réduire, pour mettre un style de dessin plus simpliste. La personne a vraiment du talent pour en mettre plus dans ses dessins. Par contre, il a vraiment décidé de le mettre pour que ça soit un certain style plus particulier. Au niveau des combats, au niveau du visuel, c'est vraiment pas la meilleure qualité, mais il y a un charme vraiment au niveau du livre, de la bande dessinée. Et de l'histoire en tant que telle. Et de l'histoire. C'est sûr, certain, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les jeux risque d'être perdu un petit peu. Oui. Certaines références particulière va sortir de l'ordinaire, la personne n'ira pas nécessairement chercher les liens. Par contre, moindrement, quelqu'un qui joue un petit peu à des jeux vidéo, pas obligé d'être un gros fanatique, juste jouer un petit peu, connaître quelques classiques, les styles d'RPG du Nintendo dans le temps un petit peu, on se retrouve facilement dans l'histoire et on apprécie pour qu'est-ce qu'elle est, une histoire, des relations entre des personnages. Dis-moi, Guillaume, est-ce que c'est disponible en français? Je ne crois pas que ce soit disponible en français. Moi, je l'ai juste trouvé en anglais. J'ai pas fait de recherche plus avancée de ce côté-là. D'accord. C'est peut-être possible éventuellement de l'avoir. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies ou faut absolument aller dans un magasin spécialisé en manga pour le trouver? Moi, je l'ai. La façon que j'ai pu l'avoir, c'est à travers l'Internet. Je n'ai pas trouvé de boutique. J'ai pas, par contre, fait des recherches approfondies, demandé dans la région, si c'est possible. Exemple. Ça serait à vérifier. Effectivement, si on peut l'acheter local, des fois, des numéros comme ça, ça vaut la peine aussi. Moi, c'est en même temps que d'autres choses, donc j'ai combiné avec à ce moment-là. On parlait que l'histoire, il y avait des combats, tout ça. Est-ce qu'on parle de combats là, vraiment affreux, violents, ou c'est vraiment un petit clin d'œil aux combats qu'on retrouve dans le jeu vidéo, où, oh, bof, quelques coups de poing, le méchant tombe à terre sans être ensanglanté. Est-ce que ça ressemble à ça? Ou... C'est pas vraiment de la grosse violence. Oui, le méchant peut exploser à la fin, mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas rien de ça. C'est plus une explosion à la bande dessinée. Ouais. Où est-ce que pouf, ou à la jeu vidéo. À la jeu vidéo. Ça s'inspire, ça, on dirait vraiment plus comme des vieux comme des vieilles bandes dessinées qu'on avait à la TV dans le temps qui se battaient, puis on voyait des bleus, des choses comme ça, mais il y a pas de sang, il y a pas de bras cassés, rien de ça. Donc c'est pas extrêmement violent, il y a un petit peu de violence, ça sous-entend de la violence, mais c'est rien d'excessif là. 13 ans et plus, je crois pas qu'il y ait de problème avec ce livre là. Puis j'imagine, mais aux autres, qu'il y a des mangas ou il y a d'autres bandes dessinées qui c'est un peu plus violent que ça. Beaucoup plus, je vous dirais que même exemple quelque chose comme Naruto qui est très populaire, je le trouve légèrement plus violent parce que c'est un style qui est plus réel, plus proche de la réalité, tandis que celui-là s'éloigne de la réalité par un style plus jeu. Excellent. Quelque chose à ajouter à Scott Pilgrim? Scott Pilgrim, mais il y a aussi, comme on a mentionné tantôt, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, moi personnellement, le plus proche que j'ai trouvé, c'est un vieux jeu vidéo de Nintendo dans le temps qui était River City Ransom. Okay. Où est-ce qu'on se promenait, on se battait contre des méchants, ils laissaient tomber de l'argent. Et avec cet argent-là, on s'achète des items pour augmenter notre puissance, pour pouvoir continuer notre mission. C'est le même principe. Toujours un style de plateforme. C'est un side-scroller, on a à gauche-droite. Oui. On se bat contre les monstres, contre les ennemis. On monte de niveau, on débloque des nouvelles habiletés de combat, des combinaisons. On peut acheter, exemple, de la poutine pour se donner certaines habiletés, ou acheter des chips ou de la liqueur. Donc, dans des magasins, dans des cafés qu'on croise le long des tableaux. Rien de très compliqué, rien de très évolué, mais divertissant, qui se joue de 1 à 4 personnes. Donc, un joueur qui connaît le jeu vidéo depuis longtemps, là, on parle depuis les années 80, là, pourrait se retrouver très satisfait d'acheter un jeu comme ça. Oui, ça vaut la peine. Et surtout en petite gang, on parle d'une petite partie, on joue pendant une demi-heure, on a eu un petit quelque chose rapide, puis ça valait la peine. Excellent! Bien, merci beaucoup d'avoir parlé de Scott Pilgrim, Guillaume, puis on va continuer tout de suite en musique. Oui, on va y aller avec un autre classique, on pourrait dire. Oui, je sais, je vous sors beaucoup de chansons plus vieilles, mais on va en parler de quelques-unes plus récentes. Et on va y aller avec Queen, et je vais vous laisser deviner c'est quoi la chanson. Sur les ondes de Sequoia, vous écoutez Puissance Maximale. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside. De retour à Puissance Maximale, c'était Bohemian Rhapsody de Queen, une bonne vieille chanson qu'on ne stande pas finalement d'entendre, et ça sera disponible sur le prochain Guitar Hero, dont justement Guillaume va nous parler dans quelques instants. Guitar Hero qui sort justement à la fin septembre avec plusieurs hits, que ce soit tantôt on en parlait, Def Leppard, je pense qu'il va être là-dessus. Def Leppard, il y a vraiment une panoplie. Si on y va, il y a du Rush dessus, Avenged Sevenfold, il y a du Queen, Deep Purple, du Black Sabbath, Fall Out Boy, du Pantera, du N-Trax, il y a du R.E.M., Dire Straits. Vraiment, vraiment une multitude de choix. Souvent, ce sont des chansons, bon, bien sûr qu'on n'a peut-être pas eu sur le Rock Band, qui ne sont pas disponibles non plus sur Guitar Hero parce qu'elles vont sortir dans le prochain numéro, mais ce sont des chansons parfois qu'on a eu sur les karaoké, comme Sing Star par exemple, ou justement R.E.M. Losing My Religion, c'était disponible, et bien d'autres chansons comme ça. Très populaires qui ont vu qu'il y avait un attrait. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, que ce que je trouve important aussi, dans le 6, on revenait un petit peu plus à la base du rock. Dans les autres versions, entre autres le 5, il y avait plus de diversité un peu dans le style musical. Oui. Ils se sont rendus compte qu'ils ont assez de plaire à trop de gens en même temps. Et qui était mieux de se reconcentrer sur qu'est-ce qui avait, entre autres, fait le succès du 3, qui était du rock, que ce soit pur du punk ouais. rock. Ou... Legends of Rock, qui s'appelait justement le 3, c'était pur et dur, et c'était vraiment très, très, très, très populaire. Guitar Hero, Rock Band, qui continue justement à mettre... en fait, à donner toute cette possibilité-là aux gens qui sont même pas musiciens, de l'être le temps d'une soirée. Oui, parce que moi, dans mon cas, je pourrais pas jouer de la guitare pour sauver ma vie à pas frapper sur quelque chose avec. Même chose pour chanter. Dans mon cas, à moi, ça marche pas. Mais ce jeu-là nous permet de le faire, et c'est ça qui est intéressant, jouer avec des amis en ligne ou juste dans un salon, partie de famille, des fois, garder les cousins et cousines occupés, et moi-même, je m'en vais jouer avec eux autres parce que c'est plus intéressant que rester à la table. Ça fait le travail, puis c'est intéressant. Guitar Hero 6, premièrement, le 6, c'est pas vraiment le bon mot, c'est Warriors of Rock, donc les guerriers du rock. Le jeu, premièrement, a un mode, dans le fond, la mode carrière s'appelle un quest mode, car maintenant, il y a une histoire qui dont la narration est faite par Gene Simmons. Oh! Donc, quand même intéressant. The Kiss. Et l'histoire, c'est que, dans le fond, on veut combattre une créature maléfique et on doit avancer à travers l'histoire, débloquer des tableaux, donc débloquer des nouvelles chansons pour pouvoir acquérir éventuellement la puissance pour aller combattre la créature maléfique et gagner. Mon Dieu, ça me fait penser à un mélange du film The Pick of Destiny et je me souviens plus quel autre jeu là, qu'il y avait justement avec la voix de Jack Black dedans, un jeu de guitare dont j'oublie le nom. J'ai joué de temps en temps. Il y avait un héros justement à la guitare qui se battait. J'oublie le nom malheureusement. C'est plate, ça me vient pas. Effectivement, ça m'a fait penser un petit peu au film de Jack Black de Pick of Destiny. L'histoire n'est pas pareille non plus. Donc, au lieu de juste avoir un mode carrière, ils ont intégré ça à une histoire et en débloquant des tableaux, on permet de s'avancer dans l'histoire pour aller combattre la créature maléfique à la fin. Donc, rien d'extraordinaire, mais un petit quelque chose de très intéressant. Le jeu a eu, entre autres, une nouvelle chanson à la fête faite par Megadeth, qui ont fait une chanson spéciale pour, comme chanson finale qu'on peut débloquer quand on s'en va se battre contre la créature à la fin. Wow! Donc, un petit quelque chose de très intéressant. Pas beaucoup d'ajouts dans le jeu, de rien de nouveau côté gameplay, sauf les longues notes soutenues pour la basse, qui est vraiment l'ajout. Les périphériques, quelques modifications. Par contre, les anciennes périphériques vont fonctionner. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et les nouveaux périphériques, guitare, drum, vont être fonctionnels avec les anciens aussi. Il n'y a pas eu d'informations pour contredire ceci, même qu'ils mentionnent que ça devrait être fonctionnel. Mais ça serait un petit peu plate de leur part, justement, de ne pas permettre aux nouveaux acquéreurs du jeu de pas pouvoir jouer, en fin de compte, les anciens jeux, et vice-versa, que ceux qui ont acheté les premières versions de Guitar Hero ne puissent pas jouer la nouvelle. Effectivement, le nouveau set vient avec une batterie et une guitare différentes. Donc, pour ceux qui n'ont pas voulu investir par le passé, ça vaut peut-être la peine. C'est à voir selon vos goûts à vous. Acheter le jeu au singulier, dans le fond, tout seul, peut être intéressant aussi. Mais je vous suggère fortement d'aller voir les chansons qu'il y a de disponibles. Et là, on se fait un petit jeu? On se fait un petit jeu pour voir comment tu es bon côté musique. Et mon Dieu, donc, ça fait longtemps quand j'ai même. J'ai fait quelques extraits, je t'ai fait passer et t'essaies de me trouver c'est quoi la chanson. T'es-tu et ça prêt? Fait partie du prochain Guitar Hero, c'est bien ça? Ils font tous partie du prochain Guitar Hero. OK, est-ce que les gens peuvent me sauver si jamais je ne l'ai pas? Ça va être trop long, hein? Enfin, finalement, ça va être appeler. Trop long. Non, mais au pire, allez, on fera des votes par après. Ah, c'est correct, c'est correct. Sur l'émission. J'essaye. Donc, extrait numéro 1. Ah, là, franchement, là, Losing My Religion, R.E.M. OK, donc pas trop ça. Ça a comme pensé il y a quelques minutes. Effectivement. Parfait. Donc, si on y va avec celui-là ici, il y en a des plus durs que d'autres. Ouais, parce que tes extraits sont quand même rapides, hein? Is this the real life? Bohemian Rhapsody Queen. Il y en a des faciles. On va y aller. On va commencer à aller un petit peu plus dur bientôt. Là. Ouais, ça, c'est pas du bon vieux Marilyn Manson, là, repris de. La chanson a joué tantôt en plus. Ah, c'était. Ah, c'est Muse. Muse, ben oui. Ah, mais c'est beau. Mais Muse, moi, je vais les voir à Québec bientôt, mais je connais pas trop, là. J'ai été invité. Moi, je suis pas quelqu'un qui connaît tout leur album, toutes leurs chansons. Par contre, quelques chansons qui me tiennent plus à cœur, celle-là, justement, qu'on vient juste d'entendre. Nice of Sidonia aussi, qui est une chanson très connue qui me tient un petit peu plus à cœur. Ça vaut un groupe qui vaut la peine de découvrir. Maintenant, on y va avec une peut-être un petit peu plus dure. Pas nécessairement trop dur encore, qu'on n'a pas encore entendu. Ben c'est parfait, l'émission. Parce que je suis un peu gêné de Muse. Oui, ça, c'est Linkin Park. Tout à fait. Et le nom de la chanson? Je me souviens plus, mais c'est pas grave. Bleed It Out. Ah, Bleed It Out, yeah, une chanson ça. Qui se retrouve, bien sûr, sur le nouveau Guitar Hero qui sort. Maintenant, on y va avec un petit peu plus dur encore. Ça, c'est Papa Roach. Non. Ça, c'est le chanteur qui est décédé. Ça, c'est Let the Bodies Hit the Floor, c'est ça? Non. Et oui, c'était Bodies The Drowning Pool. Drowning Pool, justement, dont le chanteur est décédé lors d'une tournée. Donc, on voit quand même que c'est assez différent comme style. Moi, personnellement, j'aime bien cette chanson-là. Oui. Une chanson qu'on va on va chercher justement les Warriors of Rock. Là. Tout à fait. Les chansons, peut-être les classiques, les vrais de vrais. Maintenant, celle-là ici, assez facile, mais quand même, je suis très surpris qu'il l'ait mis et je suis très heureux qu'il l'ait mis sur le nouveau jeu. Ouais, Seven Nation Army. De quel groupe? Ben, le groupe là, du frère et de la sœur, là. The White Stripes. C'est les White Stripes, c'est effectivement. Ça, oui. Effectivement. Et celle-là, ici, j'ai été obligé de le faire en deux extraits. Il y a un petit intro avec un petit bout de musique et il faut que tu me trouves ça. C'est ma dernière chance, j'imagine qu'on va terminer l'émission là-dessus. OK. On y va. What do you want to do with your life? We're not gonna take it. Et t'as gagné. Donc, c'est quand même une chanson, un bon petit classique qu'on retrouve sur le nouveau Guitar Hero. Personnellement, c'est une autre chanson qui me fait accrocher. Ben oui, c'est quand on a vécu les années 80, on sait... je pense que même les jeunes dans la vingtaine aujourd'hui aiment bien cette chanson-là. Oui, c'est ça. Pas obligé d'avoir vécu dans ces années-là pour l'apprécier. Faut juste aimer la musique, les chansons qui bougent un peu. Et c'est vraiment du rock pur et pur à ce moment-là. On peut pas se tromper là-dessus. Bien, merci beaucoup, Guillaume, de nous parler du prochain Guitar Hero qui sera disponible à la fin septembre. C'est déjà la fin de l'émission. Nous avons parlé aujourd'hui de NHL 11 de EA Sports. Guillaume a également parlé de Scott Pilgrim, une petite bande dessinée à jouer, à lire finalement, ce qui traite du monde du jeu. Et c'était Guitar Hero, la dernière chronique que vous venez tout juste d'entendre. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir participé à l'émission. Ça fait plaisir, Vincent, et merci d'avoir été là pour nous animer encore. Ça fait plaisir également, et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. जाए जोगन बना ना जाए जोबन सहा ना जाए क्या करूं अरे क्या करूं रे हाय आए मजा फिर कैसा प्यार का ओ छोरी बेगम बगैर बादशाह किस काम का बादशाह बगैर बेगम किस काम की तेरी मर्जी तू जाने मेरी मर्जी मैं जानूं मैंने जवानी तेरे नाम की ओ छोरे चोली के पीछे क्या है चोली के पीछे चोली के पीछे क्या है चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है चुनरी के नीचे ओ चोली में दिल है मेरा चुनरी में दिल है मेरा चोली में दिल है मेरा चुनरी में दिल है मेरा ये दिल